Bonjour tout le monde, bienvenue sur Badoum 40, pas du tout, Badoum 03, l'émission dans laquelle, hop, je vais remonter un peu mon casque, l'émission dans laquelle on compose des trucs en 3 heures. Et aujourd'hui, ne déroge pas la règle, on va continuer, voilà, deux fois par semaine, à composer des trucs en 3 heures. Je suis un peu fatigué après ce week-end de Badoum 48, je vous le casse pas, il y a eu du boulot, on a 10 chansons, alors peut-être que certains sont en retard, n'ont pas eu des problèmes pour l'envoyer, je ne sais pas. En tout cas, c'était hier soir, 20h la limite. Certains ont un petit peu dépassé, c'est pas grave, on a le droit, on n'est pas dans un concours non plus. C'était un petit défi, donc 48 heures pour composer un morceau selon le thème imposé qui était Yelles arrivent. Bonjour Seb, comment ça va? Toi aussi après ce long week-end, Seb, donc a participé avec le groupe Bassem Iguan et qui a fait une super chanson. Félicitations Seb. Et toute l'équipe. Soit en général, c'est que des bonnes chansons, ouais, sur les 10. Y en a 2 en gallo, 2 en basque et 6 à l'occitan. Les occitans, ils ont été très très chauds cette année. Fatigués, mais super contents. Très bien. Sachez que mercredi à 10h, ici sur Twitch en direct, on va écouter toutes les chansons et on va un petit peu analyser ça avec des gros guillemets à analyser. Et voilà, ça va être cool mercredi à 10h. Et pour aller sur Instagram de Radio No Culture pour voir un peu les stories pour voir comment c'est passé pour les participantes ce week-end. En tout cas, c'était fort sympathique. On refait la même chose l'année prochaine. Bonjour Gwen qui a aussi participé avec Seb. Ça va? Dur un peu quand même ce week-end, hein, 48 heures. C'est chaud, hein. C'est chaud, mais c'est faisable. Faire quelques compromis, mais c'est ça le jeu. T'as séché le kiné, Seb? Est-ce que t'as séché le kiné, Seb? Après 2 jours, rester debout devant la table de mixage. Gwen, ça va, fatigué aussi. Eh ben, dors. Très bien, reposez-vous aujourd'hui. Vous l'avez bien mérité. Aujourd'hui, comme tous les lundis et tous les mercredis à 10h, on va composer un morceau en 3h avec des contraintes aléatoires. Donc voilà, on a des petits pots dans lesquels on a mis plein de contraintes et puis on va tirer au sort. Comme d'habitude, je vous propose qu'on commence tout de suite. Sans perdre trop de temps, on va commencer avec les accords. Et de toute façon, il reste une seule grille d'accords qu'on n'a pas encore utilisée. Donc on va voir ce que c'est. Hop. Ça, je le mets là. Et c'est... Ah, mais c'est un truc de moi. Fa, sol, la mineur. Les fameux accords de Ouina. J'aime beaucoup ces accords. Le premier tube que j'ai composé. Hop. J'ai oublié de mettre le réveil qui leur dit Seb. Il t'arrive. Il n'en reste qu'une, mais tu secoues le pot avant quand même. Habitude. L'habitude. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Par contre, David, je vais retourner et tout pour faire un petit effet dramatique. Alors. J'ai pas eu le temps d'accorder les instruments. Ça va, on va dire que ça va. Fa, sol, la mineur. Donc c'est les accords de Ouina. J'aime beaucoup ces trucs là. Ça fait que monter. Alors là, ça fait pas que monter, mais en fait, on pourrait tricher, se dire que. Faire quelque chose comme ça, par exemple, ici. C'est pour ça qu'il faut se méfier parfois en fait. On a l'impression que ça redescend, le corps descend. En fait, c'est une boucle, tout est une boucle. Donc, on peut faire tout monter ou tout descendre ou tout faire aléatoire avec n'importe quel accord. Et c'est ça qui est un peu cool dans le fait que toutes les notes soient un cycle perpétuel de montée. Voilà, ça c'est les accords. J'aimerais un peu de musique. S'il y en a, j'ai l'impression que ça marche. Depuis que Spotify a coupé, hein, on est un petit peu dans le. Voilà, évidemment ça marche plus. Hop, je vais remettre la musique. Attendez 2 secondes. Ça va aller vite. Pourquoi il n'enchaîne pas? Pourquoi il n'enchaîne pas? D'accord, bon, allez, on va dire que c'est à partir de là. Au pif, voilà. Là là! Sans Spotify, qu'est-ce qu'on ferait? Alors, je vais noter. Donc, cette contrainte d'accord. Fa, sol, la mineur, la mineur. Ensuite, on a la contrainte de technique. Ouais, ça là, il y en a plein parce qu'on les a remis. Je dis ça à chaque fois, que ça fait quand même 4-5 streams qu'on les a remis. Donc, peut-être pas autant quand même. Hop! Ah, je vais y arriver. Voilà. Et je rappelle, toutes les chansons sont écoutables sur YouTube, sur son de Badoum. Moi-même, j'en ai fait une qui n'est pas dans la liste officielle parce que c'est moi qui donnais le thème. Donc ça aurait été triché, mais j'ai quand même participé avec le truc. Tempo rapide. On va faire un truc qui tabasse un peu. Tempo rapido. J'ai écrit temp. Tempo rapide. Et excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé aussi en plus, histoire de. Voilà, on va avoir un petit ASMR enrhumé aujourd'hui. Et ça, c'est cool. Hop, la technique, ça va là. Et donc, pour finir, le comtesse. Le contexte. Je secoue pour l'effet dramatique. Et aujourd'hui, on va tomber sur. J'espère qu'il n'y aura pas de voix, je suis fatigué. Je suis hyper fatigué. J'ai pas envie de chanter aujourd'hui. J'ai la marre de chanter. Hop, ça va aller là. Et en route. Il fait froid ce week-end, mais j'ai tout le temps froid moi. En route pour la Biocoop. Biocoop. Qu'est-ce que ça vous inspire en route pour la Biocoop comme style? Moi j'ai un truc en tête, hein, mais pareil. Pareil, vous avez autre chose. En route pour la Biocoop. Je vais mettre un accent majeur. Majuscule, vous savez. Pour. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça rentre? Ça rentre parfaitement. Parfaitement, ça rentre. Ce contexte de merde. Oh, écoute. Moi, j'étais parti en disant qu'on pourrait faire un petit reggae. Un reggae Biocoop. Et moi ça me va comme ça, je chantais un peu calmement comme ça, un peu dans les graves, un peu avec papa. Voilà, et puis on peut faire. Seb, si t'es chaud pour écrire les paroles, on va pouvoir s'amuser là. Est-ce qu'on partirait pas sur ça? Allez, on part sur ça, on va faire un petit reggae. Ça m'inspire un truc à la Amélie Poulain Joyeux, quoi, la Biocoop. Tu sais ce que c'est la Biocoop? Hop, allez, c'est parti. J'envoie le bousin à la Biocoop. Alors, en plus, je sais faire les accords là au clavier. Ça fait ça. Et tempo rapide, on va se faire un truc un peu d'acharné, quoi. Hop. Donc, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Hop, on va partir à 200. On va voir ce que ça donne. Hop. Magasin de fruits et légumes bio. Ouais, tout à fait. Mais l'idée, c'est que. Qui c'est qui va là-bas? C'est des hippies et des Jah Rastafari qui vont là-bas. On est dans le cliché ici, hein, je vous rappelle. Ici, on n'est pas là pour être subtil. On est là pour être débile. Les Bobo Walk, c'est vrai que les Bobo Walk aussi ils y vont. Mais musicalement, Bobo Walk, chaud quoi. On va faire la chanson française à la Zao de Sagazan, tout comme ça. Mais j'ai très très très très peu écouté ce genre de truc. Et ça serait chaud. J'ai peut-être fait un peu rapide là quand même. 180, ça va aller, je pense. Tout 4, tout 4, tout 4. Ça va déjà vite pour du reggae. Dommage que j'ai pas mon petit ukulélé. C'est Barbie qui l'a. C'est Barbie qui a mon petit ukulélé. Ça aurait été bien pour faire les ktaken. Je suis où? Ouais. Tout comme ça, peut-être. Évidemment, si je mets pas le truc, vous entendez très mal. On va commencer par une batterie. Ça va. Ça fait un truc un peu. Une batterie. Alors, piste MIDI. Hop, je vais la mettre tout en haut. Ça va être ma tuteuse. Alors. Batterie. Par contre, une batterie comme ça, en rapide, de reggae. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Attention, j'ai. Lucci. Hop là. Je suis pas sûr d'avoir un truc déjà fait. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose de déjà fait. Hop. Voilà. Alors. Up tempo, qu'est-ce qui peut me. Radio Rock, Motown. Ah, peut-être Motown Rockin' 16, ouais. Motown. Étrangement, un truc de la Motown. Donc, Motown, c'était le. La maison de disques des années 70, très funk, Michael Jackson, tout ça quoi, c'est un truc assez énorme. Et ça tabasse étrangement. Si vous cherchez des trucs punk, cherchez dans la Motown, c'est étonnant. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est pas mal ça. Partir sur ça. Peut-être en changeant le 1. Le 1 il est étrangement placé. Plus comme ça. Je sais pas, il est chelou un peu. Le rythme est un peu particulier sur ce truc là. En reggae, t'en fort sur le 1. T'en fort à la grosse caisse, d'accord. C'est pour ça que là il est un peu chelou, hein, d'accord. Je vais faire moi-même, je pense. Hop. On va faire un truc comme ça. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Attends, quoi? Kick et snare sur le 1? Genre, poum, tska, poum. On prend ça inverse. C'est comme ça. Comme ça. Comme ça peut-être. Ou sur E3, ouais, sur E3 plutôt. Hop. Là, j'aimerais bien être un petit. Un truc comme ça, tu vois. Hop. Et on va même, au lieu de la grosse de la caisse claire là, on va mettre un ring shot. Hop, alors je veux mes. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Je sais pas trop où je vais. Hop. Bien plus haut. Je vais vous montrer un peu ce shake-up. C'est ce truc là, on est d'accord en plus, hein. En termes de rythmique, ça ressemble à ça quand même. Pas vraiment. Padam padam padam. Padam padam. En fait, le temps fort peut être aussi comme rock sur 2 et 4. Je vais tenter comme ça, je suis pas sûr. Waouh, il est chaud celui-là. Patam patam patam. Qui est juste mal placé. Je sais pas trop. Ah, je galère déjà sur ça, tu vois. Je pense que c'est quelque chose comme ça. On va essayer comme ça. Voilà, c'est ça que je voulais, je crois. Salut les souquets. Ok, la batterie, ok. Mais ce qu'il faut pour commencer une bonne chanson reggae. Il faut un petit fil, tu vois, un petit trinque tum que ta. Ok, un truc plus calme. Je pense que je vais prendre ça et je vais le ralentir à fond. Juste ça. Si je fais ça et que je fais x2, c'est ça. Hop, on va voir ce que ça donne. Ah, il est 10h20, il y a le réveil qui sonne. Toum tatata toum. Toum tatata. Je suis comment ici? toutoum, tata toutoum. C'est un. On fait un truc plus simple. Ouais, je galère. Toujours vivant, toujours debout comme dirait l'autre. Plus sérieusement, l'état s'améliore, j'ai diminué la dose de médicaments, donc c'est cool. Et oui, le petit Mickey était malade ce week-end. C'est compliqué les choses pour sa participation à Badoum, mais pas avoir. Patapotepotepum. Patapotepotepum. Je galère à fond. Patapatam. Et là, il me faut un petit. Voilà, on va faire ça comme ça. Patapatam. Patapatam. Tum pum. Patapatum pum. Papatapum. Promis, l'an prochain, je fais tout pour être enfant le plus investi. T'inquiète. C'est quand même bien passé. Un quart d'heure pour faire cette patrie à la con, quand même. Hein. Parfois, on galère, quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... Hop, ça va dégager. On va faire les petits katan. Je vais voir si même je vais pas les pitcher vers le haut. Un truc comme ça. On va faire un truc comme ça. Je vais trouver une guitare. Alors généralement c'est dans les guitares que tu cherches dans les styles ambient. Et un truc un peu clean mais avec la reverb du délai. Voilà, bon, c'est beaucoup trop. Tweet delight. Vas-y, calmez-vous là, wesh. Left alone. Ouais, mais il y a beaucoup de trucs. Atmogit, je pense que ça va être. Voilà. On va faire un truc un peu clean, voilà. Non. Il me faut un truc un peu plus clean, quoi. Classic rock, j'ai pas un truc. Si je. Hop, j'enlève ça, je vais être clean pour voir. Je tape directement clean. Alors si je tape pas bien, ça va être chiant. Clean, almost clean. Pas mal ça. Il est trop encore... je veux un vrai clean, moi. Ça c'est pas mal. On va lui rajouter juste un peu de reverb. Alors, hop, pareil, ça je vais le renommer. Ici. Billy. Hop. Ça va être Billy. Un truc comme ça. Hop, alors comment il sonne? Comment il sonne ce truc? Est-ce que je lui rajoute d'un reverb, du délai, ce genre de truc? Il y a moyen qu'il y ait besoin. Hein. En fait, il faut vraiment un délai assez court. Ça fasse vraiment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter directement ici. On va aller dans les effets audio. Je crois qu'il y a un simple delay. Voilà, simple delay, c'est très bien. Pourquoi j'ai deux guitares avec moi, n'importe quoi. N'importe quoi. Faire ça et on va faire vraiment. Ça, je vais le mettre évidemment en boucle, texture. Yo man, j'ai plus de Granger, mais je dois filer à la biocopane acheter. En plus, il y a une promo sur le CBD. Ça tombe bien, j'ai plus rien à fumer. Oh, très bien. Hop, je note ça tout de suite. Copier, hop, c'est très compliqué aujourd'hui, hein, je vous préviens, je galère un peu, et oh man, j'ai plus de Granger, mais ne fais qu'en pas acheter, en plus il y a une promo sur le CBD, ça tombe bien, j'ai plus rien à fumer, t'inquiète pas, après on va faire une piste complète de Babylon, Granja, tout ça, tout ça. C'est jamais là, peut-être. Ah, c'est ça que je voulais. Vous voyez, il y a juste un seul répétage. Il est très bien, celui-là. Il est très bien. On va se faire une petite basse, ouais mec. C'est le reggae enrhumé, le rhume des foins, yo. La nature cherche à me tuer. Est-ce qu'on ferait pas un... On profite du contexte, hein. Vu que je suis méga enrhumé, ma très chère Gwen n'arrête pas de dire que la nature essaye de me buter. On peut partir sur un truc comme ça aussi pour le refrain. Je suis carrément enrhumé, la nature essaye de me buter, oh yeah. Hop, pardon, je vais faire un petit piste audio. Hop, et on va lui mettre guitar rig. On va lui mettre une belle basse bien ronde. Oui, une belle basse ronde. Hop, normalement le clean. Il est un peu chaud celui-là. Qu'est-ce qu'on a comme truc un peu. Vintage bass peut-être. Non, ça dit des trucs un peu lui. On va lui mettre, on va laisser une clean basse. À cause de pour la fumette. Babylone veut d'enchaîner. T'as dit aujourd'hui, dans CBD, je peux fumer en toute légalité. Yeah. Ça c'est pas mal. Ah. Petite basse tranquille comme ça. J'ai du mal, j'essaie d'écrire vite entre les deux tâches, mais mon cerveau veut pas coopérer. La biocop, c'est comme le temple de Jah. Il y a un H à Jah à la fin. Sache-le. Il y a que des trucs bons pour ton corps, ya. J'ai trouvé des essentiels pour me soigner et un large choix de tisane et de thé, ya. Très bien. Alors, je vais sauvegarder ça après. Pour l'instant, je vais faire mon petit reggae. Ma petite basse. C'est faux ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Merde, je l'ai plus. Le tus, ça va être que le mec hyper roots et nature, il commence à devenir pour le. Et ça. Et nature, ça va complètement devenir pour l'urbanisation qu'elle est la marque que la nature cherche à le tuer. Ouais, c'est pas marrant ça. Et on peut faire une espèce de pétage de plomb à la fin où les instruments commencent à saturer, tout comme ça. C'est ça que j'ai fait. Ujarastafari, c'est mon ennemi. Voilà là. Ah. J'arrive pas. Putain, cette basse à la con. Voilà, petite basse, t'as vu? Petite basse sympatoche, un petit peu roulante, un petit peu cool. Hop. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, peut-être, si vous me suivez, n'hésitez pas à me suivre, on est à 5 follow de... comment s'appelle ça? Hop, l'assimilation? Non, je sais plus comment ils appellent ça sur Twitch. Hop, Hop, on va commencer direct. De l'affiliation, je crois, il dit sur Twitch. Filiation, non, affiliation, je crois. Je vais faire une autre guitare et je vais tenter de. Je vais faire dans le bas et après je vais la pitcher vers le haut. Vous allez voir, vous comprendrez vite. Hop. Oui, alors si je me branche pas, ça va être relou. Suivant le jour où j'aurai des thunes pour acheter une méga carte son et tout brancher. Histoire que j'ai plus besoin de débrancher, de rebrancher. Ça serait une bonne idée, ça. Ça serait bien. Hop, hop, hop, hop. Ça marche. Alors, on va commencer par là à peu près. Voilà. Ça. Je suis à peu près là, je crois. Hein, si je dis pas de bêtises. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. Alors, déjà, toi, tu as changé de couleur. Un minimum. Un peu de respect. Et là, vous voyez, il est pas bien. Voilà, il démarre trop tard. Et celui-là, je vais essayer de le pitcher vers le haut, voir ce que ça donne, ce truc-là. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir des sons assez aigus. Ableton, c'est magique, hein. On va mettre un petit synthé qui va faire la même chose que la basse, je pense. Un peu dans les aigus, un peu léger. Et pareil, pas besoin d'avoir des trucs énormes, alors je vais chercher dans les... On va essayer avec celui-là. Je cherche un truc d'Ableton directement. Ah, il s'éteint tout le temps, lui. N'allez pas chercher dans les basses, mais je vais faire avec quand même. C'est comme ça, ouais. Peut-être plus aigu. Non, à chercher une orgue, un truc comme ça, peut-être. Ah, ambiante. Ouais. Non. On va essayer. On va voir s'il me donne pas. Ça, peut-être. Bon, on va voir, hein. On va essayer. On va voir ce que ça donne. On commence là, à peu près. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va le mettre là, il est comme ça. On va pouvoir le boucler tranquillou. Hop, loop. Je suis pas satisfait du son encore. Il y a encore un problème. Organ dance. Je suis un peu à l'avance là. C'est marrant quand j'ai tendance à jouer en avance parfois. C'est pas encore ça, je pense, le son. Non, je suis pas sûr, tu vois. Je suis pas sûr. Il y a un truc qui me chagrine dans ces instruments là. Peut-être ça. Ça, on va rajouter que partir d'ici pour avoir une petite basse quand même au début. C'est cool la basse. Tout à tout. On va faire ça. Un petit clavier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la fondamentale. Tout à tout. Et ça tombe un peu chaud. On va voir si. Alors au début, je suis en fa. Donc je crois que ça fait quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. Je crois que ça fait quelque chose comme ça. Évidemment, si je n'ai pas de son. On va aller chercher une orgue là, mais on va aller sur massif plutôt. Chercher un orgue un peu aigu. Un orgue un peu aigu pour en faire tout cas tout. Presque marimba quoi. D'ailleurs, on pourrait mettre du marimba après. Et des percus. Des percus, djembé, comme ça, quoi. Ce genre de truc. Vous voyez? Hop, ici. Si je mets organe. Allez, cherche. Cherche, mon petit, cherche. Tout, tout, tout, tout. On doit être sur quelque chose comme ça, quoi. Et là, la tierce mineure, du coup. Non, il y a un problème, j'ai pas. Tukatun. Je crois que lui il est décalé. Hop. Alors il va vite m'énerver lui. Pas mal ça. Ça c'est bien ça, avec un peu de reverb. Qu'est-ce que ça donne? Tu vois, on va le mettre à droite, l'autre à gauche. Voilà, j'ai la souris qui fait les siennes. Comme ça, c'est pas mal. Je crois que j'ai enlevé cette mélodie là. Alors, ça nous donne quoi? J'ai vu vos messages, hein, les trucs. C'est juste que là, je vais tout recopier, mais après, là pour l'instant, j'aimerais bien finir ça. Alors, ça va être une petite piste de percus africaine. J'aimerais bien une petite percule. La dernière fois, vous souvenez, on est parti chercher des percules africaines dans les banques contact. Et ça marchait bien. Alors, je sais plus pourquoi on avait fait ça. Pourquoi on avait fait ça? Je crois pour la Bossa Nova, on avait fait ça. On avait été chercher des djembés et tout comme ça. Hop. Alors, ici. West Africa, percussion ensemble. Bah, vas-y, percussion ensemble alors. Je sais pas, j'y connais rien. On va dire. Ah, peut-être que dans l'autre il y avait des trucs qui me. Non. Ça me parle pas plus. On va dire le Diagba. Allez, au pif. Alors, en attendant que ça charge. Alors. Ah ouais, vous m'avez fini la chanson en fait. C'est bon. Ça c'est plié quoi. Hop. Alors je vais À cause de la fumette, j'imagine, que, et pas à cause de pour. Babylone veut m'enchaîner. J'interprète un petit peu, hein. La fumette, Babylone veut m'enchaîner, mais grâce au CBD, je peux fumer en route, en toute, j'imagine, toute légalité. Ok, ça c'était des souquets. Seb, il a rajouté ça. Alors je vous les lis au fur et à mesure que. Que je les copie-colle. La biocop, c'est quand le temple de Jah. Y'a que des trucs bons pour ton Coria. Ça, c'est vraiment la rime la plus feignante du monde. Mais c'est très rigue. J'y trouve des huiles essentielles pour me soigner et large choix de tisane et de thé. Ok. Blablabla. J'ai tout en copie sur mon âge. Tiens, je te recopie-colle. Ah, ben voilà, très bien. Le twist, ça va être que Mickey Perrus devient complètement. Pour une relation qu'il a la marque et la nature cherchotier. Alors, c'est qu'on a, on avait dit ça. Oh, c'est trop cool. C'est trop bien. Sachez quand même que le rhume des foins, alors c'est certes les foins, enfin c'est, en vrai c'est juste que c'est au moment des foins, c'est le pollen tout ça, mais c'est exacerbé par la pollution, par les bagnoles tout ça. Donc voilà, juste, c'était juste le petit point culture quoi, histoire que vous sachiez. Hop, ensuite on a, mais vas-y man, sur la rue il y a trop de pièges à éviter. Il va être chaud quasi celui-là. J'ai évité André Glature, cherche à me tuer, plein de boulot mauvais pour l'allergie et des voitures qui veulent intenter à ma vie. Je l'avais pas copié celui-là. Et des voitures qui veulent intenter. Mais vas-y mal, on va le placer ailleurs. Sur la route, il y a trop de pièges à éviter. On dirait que la nature cherche à me tuer. Plein de boulot, mauvais pour mon allergie. Des voitures qui veulent nous intenter à ma vie. Hop, Babylone. Yep. Babylone, tu me testes. Je déboulonne. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Klaxon. Je retourne fumer. Un petit con. Babylone, tu me tâches de déboulonne. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Je retourne fumer mon petit con. Ok. Un truc comme ça, on est d'accord. Babylone, on dirait que tu cherches un tueur, que je mange que des légumes frais et je me déplace en vélo, nu-pied. Wow. La chanson, elle est finie, là. Vous avez plié le game, comme disent les jeunes. Hop. Babylone, tu me tâches de déboulonne. Ok. Donc ça, c'est la suite du... Donc qu'est-ce que c'est... J'avais pas copié le bon truc. Oh là là, je suis désolé, c'est un peu difficile aujourd'hui pour moi aussi. Je dis ça à chaque fois, j'ai l'impression André, que tu me cherches à me tuer, alors je mange que des légumes frais. Voilà. Et que je me déplace à vélo. Oh Babylone, André, tu cherches à me tuer alors que je mange que des légumes frais et que je me déplace à vélo au nu-pied. Tellement reggae, hein, ça fonctionne pas trop du coup, mon idée. Tu sais, pourquoi pas? Comment ça, ton idée? Ben, pour le rhume des foires, tu sais, ça marche, j'en fous, c'est pas grave. Dit klaxon, les Babylone, c'est le refrain. Ouais, j'avais bien compris. Le moment avec. Hop, tu me tèches, je déboulonne, je trouve génial. Seb, c'est vraiment le parolier Star Stream. Ah, ouais, complètement. Seb, si un jour il y a un truc parolier sur Twitch, il sera dessiné à Seb. Alors, on va faire ces petits. Vous le voyez, les petits. Alors, j'ai quoi là? Alors, j'ai celui-là, aigu, plus grave, et là, j'ai le. Les deux en même temps, qui fait très très reggae. Si je mets ça en boucle, est-ce que ça marche? Ou est-ce que c'est tout pourri? Voilà toute la question du jour. Sauf les sons de djembé. Ouais, djembé ou conga, ça passe bien, ouais. C'est abusé comment, comment ils sont vraiment trop cool. Pas terrible. Je vais refaire ce truc là. Merde, je sais plus où j'en suis. Attendez. C'est pas le même. Ouais, ça en fait c'est de même temps donc je peux faire ça ici. Bon, on va utiliser ces trois là. Juste ces trois petits trucs là. Un truc comme ça, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Il y a pas une chanson comme ça? Hop. Hop, je vais faire démarrer la paire. Tu vas avoir que comme ça pour le texte, fais du bien. C'est la prod qui paye. Là, celui-là, j'allais le faire un peu mieux. Est-ce que patapatam, ça marche comme ça? Ça marche, mais on va baisser un peu ces deux-là. Je sais pas si je voulais faire ça. Ouais. Écoute peut-être plus là comme ça peut-être. Patatan tatatum. Hop, comme ça. Pour le djembé, cherche deux sons, la frappe bord aiguë claquante et la frappe centrale, c'est ça que j'avais. J'ai deux aigus un peu. Incroyable. Là j'ai une aiguë. Là j'ai une aiguë un peu moins point claquant. Et une basse. Là j'ai fait tout avec juste 3 sons. Hein. C'est magique hein. Faut que je les porte, je contacte un séjour. Ouais, c'est cool, hein. C'est cool, il y a plein de banques vraiment intéressantes. Alors, moi, j'en ferai un petit couplet. Et on va trouver un refrain avec d'autres accords, je pense. On va foutre des cuivres et tout. L'attaque 2 millisecondes? Non, quand même pas. Un peu quand Je mange plus de crème jamais, je dois filer un biocop pour en acheter. Y'a plus qu'à une promo sur le CBD, ça tombe bien. J'ai plus rien à fumer. Biocop c'est content déjà, y'a que des trucs bons pour ton corps, rien. J'ai trouvé des huiles essentielles pour me soigner. Y'a là, je chante des tisanes et de thé. On va essayer de trouver des accords. On était là. Ça c'est les accords des couplets, ceux qui sont imposés, et on peut partir sur autre chose après. Parfois j'ai du mal à sortir le truc quoi. J'ai du mal à sortir du. En plus je les aime bien ça quoi. S'il s'enchaîne bien en fait, la rende est cool quoi. Ça c'est quoi ça? C'est un do. Faire la mineur puis sol la mineur, tu boucles genre. Ouais, c'est pas mal. Peut-être finir en ré. En ré majeur plutôt que la mineur à la fin. Ça tirait ça? Fa, la mineur, sol, ré. Et pour pas revenir sur le même, il finit en majeur comme ça, il est un peu plus majeur quoi. On va faire ça alors, si ça te plaît. Alors, comment je fais? Voilà, on va faire à partir d'ici. Et pareil, celui-là, je vais l'octaver comme d'hab, comme je l'ai fait tout à l'heure. Très bonne idée, ça, ces accords-là. Hop, pardon. Là. Non. Là. Modo Gwen, ouais, c'était là. Ça, ça va dégager. Alors, je le boucle, lui. Hop, hop. C'était Complex Pro, je crois que j'ai mis pour... Et donc là, je vais faire la même chose. Hop. Mais ici, donc, ça donnerait quelque chose comme on démarre quoi? Enfin, on dit... Un truc comme ça. Je suis là mais sur le téléphone. Oui, si tu peux modoter un peu plus haut, ça m'arrangerait si je veux bien. Promis, prochain déménagement, je fais en sorte de pouvoir le faire moi-même. Ou est-ce que Steph, je te mets un modo? Sinon, je te mets un modo, ça. Zut. Ah, manquait qu'une nuit. J'ai loupé le ré. Mais j'arrive pas, c'est ce rime reggae là, j'ai pas l'habitude. J'ai envie de démarrer comme ça, vers le haut, alors qu'il faut que je démarre vers le bas. Tu peux en mettre plusieurs, tu peux en mettre plein. Oui, je peux en mettre plusieurs, oui. C'est juste que j'ai pas pris le temps. Il fallait que je vous demande avant. À chaque fois. Vas-y, mets-moi. Très bien. Bah, pas tout de suite, hein. Je ferai ça en off. Tranquillement, à base de tranquillade, tout à fait, c'est tout à fait. Qu'est-ce que je vais faire? Hop, ça va changer de couleur aussi. Voilà, hop, je loupe, c'est une texture, oui, tout à fait, c'est une texture. Et hop, on peut boucler ça, comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je vais dupliquer ça, je vais changer les accords ici. Et on commence par Fa, donc ça c'est bon. Ensuite on a un La mineur. Ensuite on a un... Pourquoi c'est bizarre ça? Pourquoi il y a un truc là qui traîne? C'est où? Ah, j'ai pas tout pris. Quel imbécile que je fus. Et histoire de changer, même ça, je vais le mettre à l'octave en dessous. Histoire qu'il n'y ait pas quatre fois la même chose. Mi. Ça, donc on a dit on a dit fa, la mineur, ensuite on a dit la mineur, j'ai dit ça, c'est pas un la mineur, ça, ça c'est un la dièse mineur. Voilà. Ensuite on a un sol majeur, c'est ça, hein, sol majeur, et puis ré majeur après. Ah bon, ça, ça a dégagé, ça ne sert à rien. Et un ré, donc do ré, il est un peu plus loin, il est par là. Voilà. Ah. Qu'est-ce que j'ai fait là? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bah non, je le fais pourtant. C'était un D dièse que j'avais mis, un Ré dièse, n'importe quoi. Très bien, petite basse. Petite basse un petit peu roulante, un petit peu chantante. Parce qu'on aime bien ça, ça fait doum, doum, doum. C'est mieux, ouais. C'est mieux quand c'est juste. Tu remarqueras souvent, c'est plus juste quand c'est juste. Et alors je sais que normalement sacrilège, je devrais le faire à la main comme ça. Mais je sais pas le faire, je suis pas bassiste moi. Bon, on va voir ce que ça donne. On va juste je vais faire tourner un petit peu, histoire de. Tu peux faire ta basse, faire doum doum doum doum doum doum. Oui, mais bon, on fait du reggae, on va profiter pour faire une petite basse un peu cool quoi. Je pourrais faire ça. Bon, essayer de faire un truc un petit peu groovy quand même. Un peu comme ça. Je vais d'abord le trouver. Je vais le faire tourner. Je vais faire tourner la boucle là. Ça va, 5 croches, juste 5 croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Quoi comme ça? Alors, c'est à chaque début d'accord sur le premier temps, t'enchaînes 5 croches, puis tu tapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça va être très rock ça. Ah, moi, je préfère faire un truc un peu plus groovy quoi. C'est rare qu'on puisse faire un truc groovy ici. 5 pas 7, c'est bête. Ah, je sais pas, non, je trouve ça dommage. Non, je trouve ça dommage de faire un truc aussi aussi bateau, aussi. En fait, c'est très rock en plus. C'est dommage de pas faire un truc un peu plus, plus cool quoi. Hop, je. Ça, tu regardes pas. Ça tu veux? Bah je suis pas fan. Je suis pas fan. Je vois ce que tu veux dire. Mais quand même je trouve comme petit. Je trouve quand même plus cool un truc comme ça, quoi. Non, c'est plus chaleureux, quoi. Ça se joue aux doigts. Ouais, mais j'ai déjà dit les doigts, c'est mort. Je joue pas aux doigts, je sais pas faire. Je vais enlever la boucle. Un truc comme ça, moi je préfère. Voilà, Bunny, très bien, merci. L'attaque, mettons, quand je truc, mettons, kick sur le temps. Attends deux secondes, on peut pas tout faire un temps, Seb. Je fais la basse, après je vais faire le truc. Sois patient un peu. Regarde ça. Oh. Un truc à la fois, hein. J'ai pas quatre bras non plus, faut pas déconner. Hop. Ça va donner quelque chose comme ça. Lui, pareil, je vais changer de couleur. Ça, ça va dégager ce mélo là. Par contre, on va rajouter des cuivres parce que j'aime les cuivres. Alors, ici, brasse et l'ensemble, on va mettre. On va faire un truc comme ça. Je suis déçu, je croyais pourtant. Eh, tu croyais mal! Tu croyais mal, mais ça viendra peut-être un jour. Peut-être que je serai une entité à plusieurs bras. J'ai peur, ça. Un truc comme ça. Ça c'est quoi? Ah, c'est la basse. Toujours renommer ses pistes, hein. Je le dis, je le redis, je le dirai jamais assez. Hop. Ça fait trop brasse de classique. Attends un peu. C'est dingue, on peut pas tout avoir tout de suite. Il faut attendre un peu. T'as save le projet? Non, j'ai pas save le projet. Mais tu m'énerves là, à tout demander tout de suite là. On peut pas avoir le son parfait tout de suite. D'abord on fait les choses dans l'ordre. D'abord on fait ça, la mélodie, et après on va trouver un son un peu mieux. Tout de suite là. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et là, tu sais quoi? Eh ben, on va faire mieux. Je vais rajouter une octave en dessous. Déjà. C'est déjà mieux. La batterie maintenant. Hop. Déjà ça, on va mettre une caisse claire dessus. Hop. On va mettre ça là, que c'est bien claquant. Petit peu, 1, 2, 3. Petit peu. Je me rappelle, hop, on fait ça, on le décale un peu, vous voyez, pour arriver à une. Comment, je sais pas qu'on dit, des triples. Si on entend, c'est mieux, certainement. Allez! Bada bada bada bada bada bada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pata pata pata. Pata pata pum pum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et normalement, le 12, il est sur le 1 suivant. Si je dis pas de conneries, ça devrait. Si je fais ça, normalement. Voilà. Manière assez simple de faire des trucs pas ultra carrés, quoi. C'est-à-dire que vous les comptez dans votre tête, vous prenez le 1, le premier 1. Le 1 de la phrase suivante, et comme ça avec Ableton on peut juste étirer le truc pour que ça tombe pile. Et si je dis pas de bêtises. Hop. Voilà, ils sont un petit peu trop. Robotique, donc j'en prends un sur deux, je baisse la velocité et. Et ça passe dans le bois, dans le brouhaha, ça passe. J'ai envie de lui mettre une batterie un peu, une caisse claire un peu plus. Je vais juste la monter, je pense. Dans le mix. Une fin, ça peut être cool ça. Juste changer la batterie, vous voyez que. Alors, Pour l'instant, on va laisser comme ça. Hein. Alors. Je sais pas si c'est ça. 1, 2, 3, 4. C'est pas mal. C'est pas mal du tout même. Tu t'ennuierais si j'étais pas là. Alors certainement. Mais calme tes ardeurs quand même. Ça va être refrain 1, on va attaquer direct avec le couplet 2 du coup. Et là on va rajouter une petite guitare. Histoire de. Bonjour. Et voilà. Hop, je te prie de te calmer. Alors, je suis. Le jack est sur la basse. Voilà. Hop. Lui, on va lui mettre un petit gate. Parce qu'il va être relou sinon. Voilà. Très bien. Hop, du délai à bloc, de la reverb à bloc. Et alors, tu vois ce que je dis ce week-end, Seb, on essaie de faire un changement tous les deux tours, d'accord? Et ben on va faire la même chose. Voilà, j'ai le câble qui s'emberlifique. S'emberlifiquitote. Voilà. Alors, ce que ça peut donner, un truc ici, à peu près. truc un peu comme ça quoi. Tranquillou, on va y aller je pense. C'était pas mal, tout comme ça, simple quoi. On est dans le couplet en plus, donc ouais, c'était simple. Pas enregistré parce que je suis une quiche. Voilà, c'est la seule raison. Je vais le refaire, c'est pas grave. Voilà, un petit truc comme ça. Je vais mettre du gain. Histoire que ça rentre bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la boîte aussi. Qu'est-ce que vous en dites? On va s'écouter ça, tranquillou. On en est là pour l'instant. Je trouve qu'on est pas trop mal. On est pas trop mal. On va faire une petite pause, vous savez, comme d'habitude, hein, à 1h30. On va faire une petite pause. Et après, après je pense que je vais faire cette petite guitare-là, quand je vais le faire sur le refrain. Et puis, on va faire les voix après. Je sais que vous aimez le moment où, où on fait les voix. Alors, c'est parti. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Je vous laisse avec Karma. C'est parti. Arriskuak nahi ditzeko Bouh! C'était Karma avec Silboharen Ingurua et c'était cool. Mais nous, on est sur autre chose. Je sais pas s'il y a des gens. J'ai pas la liste des gens qui nous regardent. Si vous débarquez là, vous ne savez pas, vous demandez ce qu'on est en train de faire. On est en train de composer un morceau en moins de 3 heures. Il nous reste 1h25 avec ces contraintes là. Donc, c'est les accords qu'on a utilisés pendant le couplet. On a trouvé d'autres accords pour le refrain. Tempo rapide. Et en route pour la Biocop, alors on est parti sur du reggae. Ce son de Karma est énorme, ouais, ils sont très forts. Ils sont très très forts, je suis un peu jaloux. Alors on s'écoute une fois ce qu'on a fait jusque là. Et après je pense qu'on va passer aux voix. Après on va faire une piste entière avec que des oh yeah yeah Babylon. Ça, une vidéo yéyé dans la cabane dans la forêt, oui, c'est du reggae. Ben, j'ai installé mes enceintes pour t'écouter et déjà j'ai jamais autant de basses. Ouais, je suis au casque, j'entends pas, c'est pas si basse que ça. Y'a trop de basses, tu penses? Je vais faire un petit truc comme ça, un peu dans les graves et monter à la fin. J'ai jamais eu de système qui les restituait, donc je sais pas. mais. Alors, est-ce qu'il y a trop de passe sur le truc, quoi? Je pense que. Enfin, moi, dans les oreilles, ça va. Vous me dites. Après, ça dépend sur quoi vous écoutez. Si vous êtes sur le portal comme ça, forcément, il n'y aura pas beaucoup de basses. Si vous avez des vraies grosses enceintes, il y aura beaucoup de basses. Eh bien, je t'ai pas bien, t'es parti de toute façon. Même ta voix, j'ai la base de ouf, c'est peut-être l'EQ de mon ordi aussi. Pourtant, ma voix, normalement, ouais, tu vois, je sais pas si tu le vois là. Hop. Ma voix, j'ai baissé les fréquences de basse hein, sur ma voix, justement, histoire qu'il n'y ait pas trop de trucs. Donc, c'est peut-être que ton, tes enceintes sont réglées pour avoir des énormes basses, peut-être. Voilà. C'est con parce que là j'avais un truc bien. Et je l'ai loupé. et du coup je ne le retrouve plus. Allez, le reggae man, c'est parti. Un petit truc comme ça, quoi. De toute façon, vous l'avez vu. Peut-être pas, d'ailleurs. Ici, donc, je remonte mon gain pour que ça rentre bien dans l'ampli. Et ici, vous l'avez vu, en fait, la guitare, elle est très, très dans la boîte, comme on dit. C'est-à-dire qu'on lui a enlevé beaucoup de basses. On lui a enlevé des aigus aussi. Et au lieu d'avoir un truc, je vous fais écouter comme ça. Eh bien, j'ai décidé de vraiment couper beaucoup de fréquences pour avoir un truc beaucoup plus dans la boîte et beaucoup moins envahissant. Attends. Avec. Ce qui fait que déjà, ça laisse plus de place aux autres instruments. Mais c'est, je trouve que c'est moins agressif, alors que pour le coup on a gardé que les fréquences agressives. Mais il y a ce truc un peu plus longtemps, un peu plus cool, je trouve. Et je trouve beaucoup de reverb et beaucoup de délai. Je crois qu'on est pas mal pour la partie. Peut-être que je rajouterai des djembé et tout ici, mais je suis pas sûr que ce soit nécessaire sur le refrain. Je trouve que c'est peut-être plus cool ça, un peu le truc un peu plus épuré, un peu plus droit dans la gueule que les djembé qui ont tendance à, je trouve, à faire dériver un petit peu. On part sur la voix. Alors je vous préviens tout de suite, aujourd'hui je ne pousse pas la voix. Aujourd'hui ça va être tranquillou reggae ta vue. On va commencer peut-être par le refrain, ce sera peut-être plus simple. Hop, le refrain, donc ça serait Babylone, Babylone, tu me tais, je déboulonne, beaucoup trop de bruit et de klaxon. Beaucoup trop de bruit, de klaxon, je retourne fumer un petit con. Oh Babylone, Babylone, on dirait que tu cherches à me tuer alors que je mange que des légumes frais et que je. Alors que je mange que des légumes frais et que je me déplace en vélo, nu-pied. Ok, on va essayer de placer ça. On va voir déjà ce que ça va donner. Hop, je vais me mettre un petit. Faut vraiment que je fasse des un pack stream. Parce que la voix là, il est bien, la voix de l'album, mais là des milliards d'effets dessus. Ce qui fait que c'est parfois un peu trop. Hop, ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Je m'étais fait plaisir hein, quand j'avais fait l'album. Album toujours disponible partout, c'était à 5 ans déjà, bordel. Alors, qu'est-ce que ça donne si je fais ça? On va mettre du délai et de la reverb. À peu près comme ça. Oh Babylon, Babylon, tu me testes, je déboulonne. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Je retourne fumer un petit con. Un truc comme ça, je pensais. Ou Ou est-ce que je fais ou un truc plus rapide? Babylone, Babylone, on dirait que tu cherches à me tuer. Non, hop, c'était pas le bon truc. Babylone, Babylone, tu me tâches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Autour fumé un petit con. Peut-être même deux fois plus rapide. Babylone, Babylone, tu me tâches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Je retourne fumé un petit con. Oh Babylone, oh Babylone. Je sais pas, est-ce que je le fais rapide ou est-ce que je le fais lent? Rapide, il va être chaud, je vous préviens. Je refais le rapide pour. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Je retourne fumer un petit con. Oh Babylone, oh Babylone. On dit chance sans tuer. Je mange des légumes après que je dépasse le vélo du pied. Ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. faudrait, si je le fais rapide, je ferai une respiration. Sinon, je le fais lent. C'est comme ça. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Je retourne fumer un petit con. Oh Babylone, Babylone, dirais que tu cherches à me tuer. Or je mange que des légumes frais. Alors je me déplace en vélo du pied. Je l'avais imaginé lent. Toi tu préfères lent du coup Seb? Seb il dit lent. Est-ce que vous préférez rapide ou lent? Dites-moi. Hop, je vais en profiter pour renommer en voix 1. Allez, bon, on va partir sur un truc lent alors. Je vais essayer de trouver un truc un peu cohérent à chaque fois. Qu'on aurait là. Babylone, Babylone, tu me testes, je déboulonne. Nah, pas fan. C'est autre chose. Babylone, Babylone, tu me testes, je déboulonne. Beaucoup trop dur de bruit de klaxon, je retourne fumer un petit con. Un truc comme ça, faut que je le place mieux. Je passe carré parce qu'après il va falloir que je double tout ça. Évidemment. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Je te fumer un petit con. Oh Babylone, et tu cherches à me tuer. Je mange que les légumes frais. Je me déplace en vélo et du pied. Un truc comme ça plutôt. Ok, alors là, je vais essayer d'enregistrer ça. Hey! J'essaie de faire un truc assez carré pour que derrière, quand j'aurai besoin de le doubler, ça soit facile à faire. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh Babylone, Babylone, on dirait que tu cherches à me tuer. Alors je mange que des légumes frais du pied. Un truc comme ça, et du coup je vais peut-être un peu... j'ai viré quelques trucs. J'ai viré le... Je retourne sur un petit con. Voilà, lui aussi je vais lui mettre du gain. Du gain. Voilà, on va mettre un 15 comme ça. On va pouvoir faire pareil partout. Allez. Hop, hop, hop. Babylone. Est-ce qu'un truc comme ça, ça serait bien? Je vais le doubler pour. Je vais doubler la piste. Pour l'avoir dans les oreilles et j'essaie de le refaire un peu mieux. Babylone, Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh, oh Babylone, Babylone, en direct tu cherches à me tuer. Alors que je mange que des légumes frais du pied. Babylone, Babylone, je vais enchaîner sur la phrase. Ouais, il est chaud. Babylone, tu me tâches de Babylone. Babylone. Bah c'est un peu ce que je fais. Babylone, tu te tâches de... Ah, comme ça, je vois ce que tu veux dire. Je vais essayer de faire ce que... Babylone, tu me testes, je déboulonne. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh, Babylone, on dirait que tu cherches à me tuer. Alors que je mange que des légumes frais, nu-pieds. Oh, ta-ta-ta-ta. Ben, Babylone, comment ça, ta-ta-ta-ta? Tu me dis ta-ta-ta-ta, mais c'est que le truc en trois. Babylone, tu me tais, je déboulonne. Ah ouais. Alors, si tu mets ta-ta-ta-ta, ça veut pas dire deux fois plus vite. Hein. Ça, Babylone, comme ça. Ben, tu me dis lent, après tu me dis vite. Faut savoir, à un moment donné. Tu me dis lent, après tu me dis fais-le vite. Babylone. Ah ouais, là voilà, c'est compliqué, hein. Parce que faire commencer rapide et après faire lent, j'ai peur que ça casse vraiment tout le truc, quoi. Babylone, tu me tâches des boulons. On dirait plus. Un truc comme ça, plutôt. Attends, mais comme t'as fait, c'est bien. Je mélangeais tout est passé. Bon, je refais comme j'avais fait. Ça va, ça? Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh, Babylone, on dirait que tu cherches à me tuer. Alors que je mange que des légumes frais, nu-pieds. Comme ça, du coup, on est d'accord. Est-ce que ça va, ça? Hop, voilà, tais-toi. Tu boucles, s'il te plaît. Donc, ça donnerait ça. Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de mots. Je crois que je suis un poil à la bourre. Qu'est-ce qui se passe? Putain, cap, toi. Je te jamais demandé ça. Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh, Babylone, en direct, tu cherches à me tuer. Alors que je mange que des. Ok, je vais essayer de faire une deuxième voix à ça. Je vais faire une deuxième voix à ça. Plus de reverb, plus de trucs. Hop. Et hop. Toi, tu vas descendre un petit peu là. Et tu vas monter les graves. Voilà. Je fais un peu au pif à chaque fois. On n'a pas le temps de niaiser ici. Alors, je vais essayer de le faire avec la bonne rythmique. Hein, mais c'est un peu chaud. Ça, je peux le virer. Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh, Babylone, on dirait que tu cherches à me tuer. Alors que je mange que légumes. C'est chaud, il est chaud. Je vais faire que la moitié, je pense, pour commencer. Parce que, voilà. Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. J'ai pas fait le haut à la fin, est-ce qu'il y a besoin? Babylone. je pense qu'il n'est pas nécessaire. Et donc ça, je vais réécouter. Ok. En Babylone, Babylone, en direct tu cherches un tueur. Ok, je le teste. Personne. En Babylone, Babylone, en direct tu cherches un tueur. Alors que je mange que des légumes frais du bien. Babylone. Est-ce que ça marche? N'importe quoi. Hop. Suspense. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons, beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh, oh, Babylone, Babylone, en direct tu cherches à me tuer, alors que je mange que des légumes frais du pied. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons, beaucoup trop de bruit de Qu'est-ce que vous en dites? Tu vas dégager. Et on n'a plus qu'à passer au couplet. Qu'est-ce qu'on a comme couplet? Alors ça se dégage. On a ok, 1, 2, 3 couplets et quelques. Très bien, comme ça je vais faire un des couplets dans la première partie et deux couplets dans l'autre. Par contre je crois que mes oreilles ne sont pas reposées ce week-end, je commence à fatiguer de ouf. Ouais, non mais moi aussi, hier soir dans la voiture, j'étais épuisé. En rentrant une demi-heure, j'ai mis un bon vieux ABBA. Parce que c'est quand même trop bien ABBA. Écouter du ABBA, c'est incroyable. Et en fait, je suis fatigué, mais de ouf. C'est un truc de malade. Alors, ici, on va prendre donc cette voix-là. Cette voix-là. Et on va. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer la chanson sans rien, sans parole. Et puis, ça, je vais faire qu'un couplet après. Vous inquiétez pas, ça on va le faire, c'est sûr. On va faire un truc comme ça donc. Yaman, j'ai plus de graines germées. Je dois faire un bio copain en acheter. En plus, y'a une promo. Bon, je préfère bien plus long que ça. Bien plus long que ça. Yo man, j'ai plus de graines germées. J'dois filer à la biocop en acheter. En plus, y'a une promo sur le CBD. Ça tombe bien, j'ai plus rien à fumer. Babylone, Babylone. Je pense que j'aurai ça le texte, ouais. Là, je vais faire juste cette partie-là dans 4 trucs. Et dans le suivant, j'en fais 2. Je fais tout comme ça, je vous montre, on va essayer. La biocorp, c'est comme le temple de Jah. Y'a que des trucs bons pour ton corps, y'a. J'y trouve des huiles essentielles pour me soigner. Ayant large choix de tisane et de thé. Mais vas-y man, sur la route y'a trop de pièges à éviter. On dirait que la nature cherche à me tuer. Plein de boulot mauvais pour mes allergies. et des voitures qui veulent tenter à ma vie. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons. Je vais faire une autre piste pour ça. Je vais la mettre au-dessus. Voilà, hop, ça va être VX0. Parce que on s'en fout. Un truc comme ça, et après peut-être un petit pont avec juste du ja-ja-ja et re-reggae, refrain. Allez, je tente. Juste comme ça, pour voir. Comme ça, j'ai pas besoin. Tu peux chanter plus bas, je peux essayer. Yo man, j'ai plus de graines germées. Je dois filer à la Biocop pour en acheter. En plus, y'a une promo sur le CBD. Ça tombe bien, j'ai plus rien à fumer. Oh! Babylone, Babylone. Comme ça, j'ai roulé les airs, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est bien en roulant l'air ou pas? Ou est-ce qu'il vaut mieux pas? Je peux essayer. Yo man, j'ai plus de graines germées. Je dois filer à la Biocop pour en acheter. En plus, je vais faire ça. Une promo sur le CBD. Ça tombe bien, j'ai plus rien à fumer. Je vais le refaire, mais ouais, tout comme ça, plus grave. Yo man, je vais faire vraiment aller chercher dans les graves. Oula, je suis en train de tout casser mon stream. Yo man, j'ai plus de graines germées. Je dois filer à la Biocop en acheter. En plus, une promo sur le CBD. Ça tombe bien, j'ai plus rien à fumer. Hey. Babylone. Ouais, du coup, on dirait deux chanteurs différents. Ça marche bien. Alors, hop, je vais mettre 15. Yo man, j'ai plus de graines germées. Je dois filer à la Biocop en acheter. En plus, y'a une promo sur le CBD. Ça tombe bien, j'ai plus rien à fumer. Hey. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh, oh Babylone, Babylone, en direct tu cherches à me tuer. Alors que je mange que des légumes frais, nu-pieds. La Biocop, c'est comme le temps de Jah. Y'a que des trucs pour ton corps, y'a. Tchit. Est-ce que ça allait le premier couplet? J'ai enchaîné, mais peut-être que c'est nul. Hein. Sur le CBD, il est banger, il est où sur le CBD? C'est le troisième. En plus, il y a une promo sur le CBD. presque trop haché, presque. Je vais essayer de refaire la deuxième couplet. Légumes frais, nu-pieds. La Biocop, c'est comme le temple de Jah. Y'a que des trucs bons pour ton corps, y'a. J'y trouve des huiles essentielles pour me soigner. Et un large choix de tisane et de thé. Mais vas-y, man, sur la route, y'a trop de pièges à éviter. On dirait la nature ne sait me tuer. Plein de boulot mauvais pour mon allergie. Et des voitures qui veulent tenter à ma vie. Babylone. Bon, j'ai un peu improvisé. Je sais pas, est-ce que c'est bien ou pas. On va écouter. On va écouter ça, tranquillou. Légumes frais, nu-pieds. La Biocop, c'est comme le temple de Jaha. Y'a que des trucs bons pour ton coria. J'ai pas roulé l'air au début. Tu roules l'air comme un vieux garçon 80 piges. Ouais, comme si j'étais genre dans l'air linguistique de la Gascogne. Peut-être qu'il y a un indice. Peut-être qu'il y a un indice. Ya, il faut que je roule l'air plus que ça. Ah. Mais par contre, ouais, faire la deuxième partie un peu plus chantée, c'est cool aussi, ça fait un petit changement, c'est bien. Alors, on était où la Biocop, c'est comme temps de jazz, c'est bien ça. Hein. Légumes frais, nu-pieds. La Biocop, c'est comme le temple. Et oh, bon, tu te calmes? T'es un rousse de hoche, ouais. Complètement. Petit, hé. Tu veux un petit. Un petit fun fact, sache que la ville de Hoche, le nom de la ville de Hoche, vient de Aussi, qui a donné le nom Euskaldun derrière. Donc c'est un mot basque qui a donné le nom de la ville de Hoche. C'est même le mot basque, puisque ça veut dire littéralement basque. Enfin, c'est la racine du mot basque en basque, Euskal. Pas beau ça? Parce que oui, à l'époque, ça parlait basque là-bas. La Biocop, c'est comme... La Biocop, c'est comme le... La Biocop, c'est... La Biocop, c'est comme le temps de Ja. Comme ça, c'est bien. Cops. Légumes frais, nu-pieds. La Biocop, c'est comme le temps de Ja. Y'a que des trucs bons pour ton corps, oh ya. J'ai trop des huiles essentielles pour me soigner. Et un large choix de tisane et de thé. Mais vas-y man, sur la route y'a trop de pièges à éviter. On dirait que la nature cherche à me tuer. Plein de boulot mauvais pour mon allergie. Et des voitures qui veulent tenter à ma vie. Babylone, Babylone. Est-ce que c'est bien comme ça? J'espère que oui, parce que là j'ai tout donné. Hein. Voilà, et je coupe les effets sur ma voix. Un large choix. Alors que je mange que des légumes frais, nu-pieds. La Biocop, c'est comme le temps de Jaha. Y'a que des trucs bons pour ton corps, oh ya. J'ai trop des huiles essentielles pour me soigner. Et un large choix de tisane et de thé. Mais vas-y man, sur la route y'a trop de pièges à éviter. On dirait que la nature cherche à me tuer. Plein de boulot mauvais pour mon allergie. Et des voitures qui veulent pas mal, non? C'est pas mal, je trouve. C'est pas mal. Il reste combien? 52 minutes. Parfait. 52 minutes. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer le refrain. Et on va faire une petite... Babylone, tu me tèches des boulons, beaucoup trop de bruit de On va faire un petit pont ici, c'est pas mal comme ça. Pour moi, trop de vibes en fin de phrase, mais c'est mon goût perso. Ouais, après, le but, c'est de faire un truc pas forcément bien, mais un peu cliché. Et après, c'est vrai que je l'ai fait pas très bien. C'est vrai que je l'ai fait pas très très bien. Les vibratos, j'ai du mal. J'ai fait le vibrato comme Serge Tankian de System of a Down. C'est-à-dire que je bouge toute la tête. Il y a là, Johnny par exemple, il faisait. Et hop, et ça vibrait tout seul. Serge Tankian, et moi, comme je sais pas le faire non plus, eh bien on fait. Et ça. Là, tu bouges la tête, et du coup, tu forces ta glotte à bouger. En Babylon, Babylon, en direct, tu chantes, tu es. Alors que je mange des légumes frais du pied. Bien conf, mon temple, ma survie. Dommage que tu vends pas de sushis. Mais encore mon temps, mon égérie. Je t'aime autant que je te maudis. Babylone, Babylone. J'ai improvisé. Enfin, j'ai improvisé avec ton texte. Hein. Il le fait en plus, mais pourquoi je le ferais pas? Pourquoi je le ferais pas? Là, je vais le doubler. Alors que je mange que des légumes frais du pied. Bien quand mon temple m'a survie. Dommage que tu vends pas de sushis. Bien quand mon temps, mon égérie. Je t'aime autant que je te Il est bien, mais je chante pas très bien. J'essaie de le refaire à l'exact, mais avec la, avec une meilleure voix. Légumes frais du pied. Bien quand mon temple m'a survie. Dommage que tu vas. Ok. Légumes frais du pied. Bien quand mon temple m'a survie. Dommage que tu vends pas de sushis. Bien quand. Putain, c'est dommage, j'ai dit bien. Je trouve que je les ai bien placés en fait quand j'improvisais, mais le placement est bien, le reste non. Légumes frais du pied. Bien quand mon temple m'a survie. Dommage que tu vends pas de sushis. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher. Parce qu'en fait, là, le deuxième partie, il arrive un peu à l'avance et je trouve ça cool. Dommage que tu vends pas de sushis. Le Biocop. Je trouve bien. Dommage que tu vends pas de sushis. Bien quand mon temps, mon égérie. Je t'aime autant que je te maudis. Comment je l'ai fait? Bien quand mon temps, mon égérie. Je t'aime autant que je te maudis. Je t'aime autant que je te maudis. Sushi, bien comme mon temps, mon égérie. Je t'aime autant que je te maudis. Je crois qu'il est bien. On va écouter tout ça. Et du coup, je vais refaire la voix ici pour que ce soit plus propre. Bien encore mon temps. Je croyais que je le disais d'accord. Bien comme mon temps, ma survie. Dommage que tu fasses pas de soucis. Bien comme mon temps, mon égérie. Je t'aime autant que je te maudis. Vous voyez, j'ai plus de voix. J'ai plus de voix du tout. Mais je crois que cette partie-là était bien et enfin à partir de là. Bien comme mon temps, mon égérie. Je t'aime autant que je te maudis. Je crois que je l'ai fait pareil, c'est pas grave. Pourquoi tu fais pas les devoirs sur le pont? Celle... Attends, quoi? Pourquoi tu fais pas les devoirs sur le pont? Celle du couplet grave et celle du refrain plus grave. Ah! Mon temps, mon égérie, je t'aime autant que je te maudis. Je vais faire une troisième avec le. Avec le grave comme ça. Oui. Oui, oui, oui, oui. Be your cop. T'as déjà l'aigu? Ouais, mais je voulais faire une deuxième voix à l'aigu. J'arrête de chanteur sur jeune sur le pont. Ouais, mais je voulais faire une deuxième voix à l'aigu comme sur le refrain. Je vais faire dans les graves maintenant. L'aigu me ferait du pied. Bien corps. Bon, déjà, si je le fais bien, c'est mieux. Parce que bien, c'est toujours mieux. Bien corps, mon temps, ma survie. J'avais plus beau. Bien corps, mon temps, ma survie. Dommage que tu fasses pas de sushis. Bien corps, mon temps, mon égérie. Je t'aime autant que je te maudis. Bien corps, mon temps, ma survie. Dommage que tu fasses pas de sushis. Bien comme mon temps, mon égérie. Je t'aime autant que je te maudis. Bien comme mon temps, ma survie. Dommage que tu fasses pas de sushis. Bien comme. Un poil de réverb en plus à ce moment-là, je crois. Hop, à 10. Ouais, c'est bien 10. Mais pas sur les graves. Les graves, ils vont rester comme ça, je pense. Dommage que tu vas pas de c'est très nasal, comme si j'étais enrhumé. Oh putain, c'est affreux. Bien corps, oh, ouais. Mon temps, ma survie. Dommage que tu fasses pas de sushis. Bien corps, mon temps, mon égérie. Encore pire. Je t'aime autant que je te maudis. Biocop, mon temps, ma survie. Dommage que tu fasses pas de sushis. Ça, c'est pas mal. Biocop, mon temps, mon égérie. tu passes pas de sushis. On va faire monter un petit peu la sauce là avec un solo sous guitare. Et après on va faire tous les Babylon. On garde ça pour la fin peut-être. Et on va faire foutre des trucs de batterie un peu à droite à gauche quoi. Moyen. Moi, je reste un peu dans les grasses manches. Que des légumes frais du pied. Mais encore mon temps m'a survie. Dommage que tu vas pas le sushi. Un truc comme ça, je vais peut-être augmenter pour le coup. Hop. Donc déjà il va faire ça lui. Mais encore mon temps m'a suivi. Dommage que tu vas pas le sushi. Mais encore. Le but c'est rare que ça en forme. Hein. On va lui trouver des petits fils, des petits breaks de batterie à mettre un peu partout. Ce qui est incroyable, c'est que généralement, en plus, les batteurs de reggae, quand c'est des bons groupes, les batteurs, c'est des énormes monstres. Et ils te foutent des trucs ultra groovy. C'est assez abusé. C'est quand tu enregistres ou on l'entendait quasiment pas. Oui, parfois, tu enregistres, ils disent trop, puis c'est, tu fais le mixage après, quoi. Bah, parfois, malheureusement. On va essayer de choper des trucs un peu moins balèzes, rien, peut-être pas déconner. J'ai peur que... Alors ça par exemple je vais le mettre là, hop, non, ici je vais le mettre. Je t'aime autant que je te maudis. Hop, toi tu vas hop, faire ça. Je te maudis. C'est très syncopé les briques de reggae, ouais. Celui-là il marche bien du coup, si je mets à fond, voir. Ouais, ça passe, ça passe. De toute façon, on va essayer d'en foutre un peu partout, donc on va essayer de pas gâcher toutes les munitions tout de suite. Allez. C'est quoi, ça va hyper vite, quoi. Ça va vraiment très vite. Hop, toi tu vas aller là. Non merci. Tu changes de couleur. Hop, on va mettre bleu foncé. Voilà, bleu foncé. Ici. On va voir le refrain. Et pareil, on va le... Hop, je fais ça. Je mets tout un peu à fond. Ouais, mais pour le coup, si je le dédouble, j'ai peur que ce soit vraiment trop lent, quoi. Ou je cherchais dans les langues, qui sera rapide, du coup j'ai le double, ouais, peut-être. Peut-être. C'est débile. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien, et je vais faire quand t'as dit, je vais le... Hop, on va s'occuper d'abord d'en mettre avant les breaks de... avant les refrains. Comme ça, on est sûr qu'il se passe un truc avant le refrain qui donne au moins un point de départ. Hey. Hop, je prends tout. C'était x2, c'est bien ça. Hop, lui, je vais le mettre là. Je vais changer de couleur aussi. Et voyons ce que ça donne si je fais ça. J'ai plus rien à fumer. J'entends pas. J'entends pas parce qu'ils font des trucs très... très pas forts. Moi j'aime bien quand les gens ils tapent sur la batterie. Très bien ça. Plus fort même. Je vais balancer Phil via le jumbé, c'est vrai. J'ai déjà fait un petit peu le petit ici là. Hey, Babylon, Babylon, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh, oh Babylon, Babylon, en direct tu cherches à me tuer. Alors que je mange que des légumes frais, du pied. La Biocop, c'est comme le temps de Jaha. Y'a que des trucs bons pour ton corps, oh ya. Yeah. J'en trouve d'autres. Donc, ça, ça va être bien ça. Une fois ralenti, évidemment. Hop. Alors, je fais ça, je lui mets une autre couleur, je vais le mettre ici. Ça, ça va dégager, ça, ça revient là. Est-ce que vous voyez? Oui, c'est bon. Hop. Et je vais éternuer pour le bien de la chanson, sachez-le. Ah, ça fait plaisir. C'est fou comment on se sent bien après avoir éternué. De tes années de thé. Pareil, on va... Est-ce que c'est pas le même que j'ai utilisé d'ailleurs tout à l'heure? Peut-être, c'est pas grave. Roi de tes années de thé. Mais vas-y, man, sur la route, y'a trop de pièges à éviter. Charge dans les fils ternaires. C'est parce que j'ai entendu celui-là que je t'ai proposé. Ouais, ouais, mais c'était une bonne idée en fait. Mais je suis pas sûr. Ah, ouais, des trucs comme ici. Mais ceux-là, je suis pas sûr qu'ils fonctionnent bien. Ouais, ouais, non, vraiment. Très très bonne idée. Encore une fois, Seb. Je te félicite. Tu deviens un peu trop bon, je trouve. Tu as commencé à me faire de l'ombre et j'aime pas ça. C'est moi la star ici, hein. Attention, hein. C'est moi qui reçois la YouTube Money. Commence pas à vouloir être plus fort que le chef, hein. Hop. Ça x2, ça jusqu'à 3, et ici, non, non, non, 3 j'ai dit. Yo man. Je vais pareil l'augmenter. Yo man, j'ai plus de graines germées. Et en plus je vais t'enfiler bientôt de la moula, j'espère. J'espère que tu vas pouvoir avec ton abonnement Amazon... me filer des trucs. T'es pas obligé, soit dit. Ça, je vais pouvoir me payer... je sais pas. Je sais pas combien je reçois. 2 euros, comme ça, je pense. Je vais pouvoir me payer une petite tablette de chocolat. Je suis un peu accro au chocolat en ce moment. J'ai personne en train qu'il filait. Donne alors. j'ai plus de graines germées. Je dois filer à la bio. Café par moi offert, très bien. En plus, y a une promo sur le CBD. Ça tombe bien, j'ai plus rien à fumer. Hey. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh, oh Babylone, Babylone, en direct tu cherches à me tuer. Alors que je mange que des légumes frais, du pied. La biocop, c'est comme le temple de Jah. Y'a que des trucs bons pour ton corps, oh yeah. Je fais un peu de nettoyage, j'ai passage. Trop des huiles essentielles pour me soigner. Et un large choix de tisane et de thé. Mais vas-y, man, sur la route, y'a trop de pièges à éviter. On dirait que la nature cherche à me tuer. Attention, quand je parle de ternaire, je parle d'interprétation pas métrique comme le 3-4. Ouais, mais ça marche quand même. Du coup, ça marche parfaitement. Parce que je sais pas si. Toi, tu as le Easy Driver 3, je crois, moi j'ai le 2. Et j'ai pas autant de choix que toi, tu vois, ici. Du coup, mais prends un truc swing comme ça. Bon, si jamais il était. Hop, genre, peut-être que ça va mieux marcher. Du coup, tu mets ça, mais en fait, ça marche très bien. D'ailleurs, je vais le mettre dessus. La biocop, c'est comme le temple de Jah. Je vais le mettre là. Voilà, je vais le mettre là. Parce que j'ai rien à péter. Voilà, moi je fais des trucs comme ça, je m'en fous. Alors que je mange que des légumes frais, du pied. Est-ce que c'est pas mieux si, parce que vu que ça, voilà, il manque en fait ça, si je fais ça, ça évite de le laisser en silence. Et ça enchaîne direct. T'es mieux, non ? Alors que je mange que des légumes frais, du pied, Babylon. Ça marche mieux, j'ai l'impression. Je vais le monter encore un peu. C'est cool, hein? Ça marche bien, ça. Ça, c'est une très très bonne idée, bravo. Bravo, Seb, encore une fois. Oh là là, décidément. Et j'en vais mettre un autre ici aussi. Je vais le mettre ici au milieu. Alors, 5 à peu près ici, je crois. Hop, non, hop. Et comme il est qu'en 3, il laisse un silence quand il passe sur un truc de 4. Du coup, il faut faire ça. Il faut le redécaler un peu. Et ici, comme d'hab, hop, on va le... Et là, il faut un dernier pour la toute fin. Pour la toute fin, que ça finisse sur un break. Allez, c'est parti. On va mettre ça. Il est vénère celui-là. Celui-là, il est sacrément vénère. Alors, ça, ça dégage. Ça va comme ça. Et ça va comme ça. Et je monte la vélocité de mes coups de batterie. Alors, il faut retrouver une fin bien syncopée éternelle. Ça fonctionne toujours. Ouais, j'avoue. C'est très bien. Re Daisuke, on est en train de faire des petites batteries, des petits breaks de batterie un peu partout. Yo man, j'ai plus de graines germées, j'ai plus rien à fumer. Hey. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons, beaucoup trop de bruit de klaxon. Oh. 25 minutes. Allez, on va se faire un petit... on va se faire la voix ultime. La voix ultime. Comme dirait absolument personne. Hop. Hey. Et là, on va mettre vraiment à bulle. Ça, c'est bon. On va vraiment carrément virer de l'aigu, je pense. Hop, hop. Oh yeah. Babylone. Si j'avais ma voix normale. Babylone, staccato. Trop. C'est trop, mais... Oula, c'est pas ça. C'est trop. Oh, Babylone, Babylone. Tana. On va faire un truc comme ça. Et celle-là, du coup, ça va être vraiment la voix de fond qui va aller tout le long de la chanson à faire des petits... voilà, il me faut des petits mots-clés. Question. Tu l'as fait sur le kick, j'imagine, sur tous les temps, voire toutes les croches. Je me dis que tes derniers frères, ça peut être cool. Putain, je n'arrive pas à lire. Tu fais le kick sur tous les temps, voire toutes les croches, me dit que sur le dernier refrain, ça peut être cool et amener ce côté tempo rapide encore plus. Je crois avoir compris, tu veux que le tout dernier refrain, ça fasse vraiment tout, tout, cas. Enfin... C'est ça que tu veux dire ? Un truc comme ça ? Elle est pas très forte. Je vais tout baisser. Je vais tout baisser. Non, je vais juste monter ça parce que j'ai des automations, c'est chiant sinon. Hop. Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons. Je vais augmenter un petit peu juste la grosse caisse. Ça fait un peu dab, ouais, je suis d'accord, c'est pas. Du coup, on passe de ça, alors je vous le fais écouter en solo. Je crois que tu avais souhaité le kick bass. Non, j'ai tout monté. Donc, on passe de ça à ça. C'est ça la grosse caisse. Allez, très bien, parfait. Parfait, je valide ce petit changement. Ça rend que sur la toute fin, quoi, sur la dernière moitié du refrain. Enfin, le dernier refrain, on va dire, quoi. Parce que c'est les refrains, c'est deux fois la même chose, sauf le premier. Bref, on a été où ? On a été à... Oh yeah ! Alors, on a dit qu'il me fallait... On a dit qu'il me fallait des mots-clés. Alors, évidemment, dans les mots-clés, on va mettre... Hop, ici, pardon. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Voilà, Babylone. Babylon, Legalize, Fireboy, Babylon, Legalize, Fireboy, Biocop, Babylon, Legalize, Fireboy, Biocop. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Pas sur le break du coup. Sur le break, il est pas rattaché au même truc. Tu parles de la grosse caisse sur le break, hein, j'imagine. Le break, c'est un bloc à part, donc il a ses propres trucs. Ja Rastafari, évidemment. Ja Rastafari, je sais pas comment on écrit, on s'en fout. Alors, j'ai Babylon, Legalize, Fireboy, Biocop, Ja Rastafari. We kick, fend ton bloc, il tombe sur un fil. Ouais, et c'est pas bien, c'est ça, c'est un problème. Je comprends pas ce que t'es en train de me dire, je suis pas sûr de comprendre. On va écouter. Ça donne ça à la fin. Oula, il est... Je l'ai pas entendu. Wow, wow, wow, wow, wow. On va faire un truc comme ça pour voir. C'est quoi, je vais tenter. Oh là là là, calme-toi. On va tenter un truc. Je vais en mettre 4. Je vais en mettre 6. Hop, un 7ème comme ça. Et on va essayer de faire un truc comme ça. Oh, il me fait chier. Voilà, ça a passé. L'excité de fil de fer, ouais. Kick fin de ton bloc, il tombe sur un fil, oui. Non, c'est au milieu de ton bloc, il y a un petit fil, Tom. Mets en gris ta ternaire et une croche sur deux. Je sais pas comment, si je peux modifier juste ces grilles-là pour ça. Attends, j'ai vu ternaire quelque part, non? Non, j'ai trop dessiné. Gris ternaire, ah ouais. Ouais, non, mais ça change rien en fait. Ah si. Wow, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Wow, ça va me changer la vie, ça. C'est génial. Ça, ça va aller comme ça. C'est plus simple. On va le monter un petit peu, lui. Voilà. Ça marche. On va mettre des grosses caisses un peu partout comme ça. Histoire de. Peut-être pas partout. Avec ça, tu peux faire des fils ternaires easy. Ouais, mais moi jusque-là, je faisais mon truc et je le rallongeais. Ce qui marchait plutôt pas mal dans ma façon de réfléchir au truc. Essayer des trucs comme ça, hop. Ouais, trucs comme ça, c'est pas mal. En vrai, ça passe. Alors, on a été où? Il nous reste 18 minutes pour faire du. Oh yeah! Alors, j'ai mes mots-clés et je vais répéter aussi pas mal de. Je vais répéter ce qui se passe dans le bousin. Hop. Je dis souvent bousin, vous avez remarqué? C'est dingue. Lui, je vais le renommer VX Faya. Ça va être la voix Faya. La voix Faya. Allez, on s'enregistre un truc comme ça, un peu au pif. Watcha! Bio Cobra Staffara! Come on! Legalize, yeah! La Biocop, Babylon! Yo man! Et je suis pas du tout en train d'enregistrer! Yo man! Oh! Biocop, Rastafari, Rude Boy! Legalize, yeah! Babylon Rastafari, la Biocop, ouais! Rop! Yo man, j'ai plus de graines germées. Oh. Je dois filer à la Biocop à acheter. Rastafari! Plus. Y'a une promo sur le CBD. Oh. Ça tombe bien, j'ai plus rien à fumer. Plus rien à fumer. Babylone, tu me tèches des boulons. Beaucoup trop de bruit de klaxon. Bip. Babylone, en direct tu cherches à me tuer. Alors que je mange que des légumes. Du pied. La Biocop, c'est comme le temple de Jah Rastafari. Y'a que des trucs bons pour ton corps, oh yeah. Oh, rap. J'ai trop des huiles essentielles pour me soigner. Et un large choix de tisane. Oh. Mais vas-y man, sur la route y'a trop de pièges. Trop de pièges. On dirait que la cherche à me tuer. Plein de boulot, mauvais pour mon allergie. Allergie. Une voiture qui venait tenter à ma vie. Bro. Babylone, Babylone. Tu me tèches des boulons, beaucoup trop de bruit de klaxon, klaxon, bip, bip, bip. Babylone, Babylone, en direct tu cherches à me tuer. Oh. Alors que je mange que des légumes frais. Nubier. Ouais, bordel, ça a enregistré même quand ça n'a pas enregistré, et ça c'est bon. Je vais couper ça. Alors je pense que j'en ai fait trop, je vais couper au fur et à mesure. Et là, hop, voilà, parfait. Putain, c'est quand même trop bien. Il a enregistré pas parce que j'ai dit de pas enregistrer à ce moment-là, mais dans le doute, il a quand même enregistré et il me l'a fait. Alors, est-ce qu'il y en a trop? Oui. Alors, la question c'est qu'est-ce qu'il y a trop? Hop, non, tu te calmes. Alors, je vais le faire comme ça. Ça sera trop fort, je vais le baisser après, mais là comme ça je l'ai. Beaucoup de Babylone, un cliché de ouf. Ah bah ouais, attends. Qui commence à galérer. Ben, il me fait jamais ça d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Oula, oula, oula. Je vais sauvegarder peut-être. Comment on l'appelle cette chanson? Comment on l'appelle cette chanson? Je vais sauvegarder avant de faire une bêtise. Avant que tout crache. Sauver cette live. Sous, hop. Comment qu'on l'appelle? Biocop? Oui, le plus simple c'est Biocop, tu me diras, mais. Ou Biocop Babylon? Fire Biocop? Juste pour le save? Ouais. Ouais. Biocop, juste pour enregistrer, effectivement, tu as raison. Comme ça, on est tranquille. Hop. Alors, on en était où? On était à peu près là. Hey. Babylon, Babylon. Biocop, c'est comme le temps de Jaha. Y'a que des trucs bons pour ton corps, oh ya. Yeah. J'ai trop des huiles essentielles pour me soigner. Et un large choix de tisane et de thé. Mais vas-y, man, sur la route, y'a trop de pièges à éviter. On dirait que la nature cherche à te tuer. Un truc comme ça à la fin, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Ce sera plus des mots clés. J'ai fait. Je pense que c'est peut-être. Je te maudis, Babylone, Babylone, tu me tèches des boulons, beaucoup trop de bruit. Pas mal, non? Oh, Babylone, Babylone, on dirait que tu cherches à me tuer, alors que je mange que des. Comme ça, je vais rajouter un petit Babylone. Jarastafari, toi-même, tu sais, tout ça. Ici, hop, pour finir. Et peut-être jouer sur les MS, viser les sides. Seb, j'ai pas le temps de faire ça. On s'en fout. Nature, à pas les allergies, des parkings partout, ouais. Babylone, légalise les parkings. Voilà, je suis déçu. Non, mais c'est des détails techniques, ça, on s'en fout. On n'est pas là pour ça. Babylone, tu cherches à tuer. Alors que je mange que des. pas mal. Hop, c'est un peu précis. Alors, qu'est-ce qu'on a? Où est-ce que ça commence? Exactement. Hop, ici. Donc, je vais mettre juste un poil avant. Comme ça, à peu près. Cherche un titre, ouais, vas-y. Il reste 4 minutes. Ça a duré la chanson, donc si vous avez un truc à remodifier, c'est maintenant là. On peut modifier un truc. Yo man, j'ai plus de graines germées. Je dois filer à la biocop en acheter. Une promo sur le CBD, ça tombe bien, j'ai plus rien à fumer. Je refais toutes les voix, ouais. Moi aussi. C'est comme le temps de Jaha. Y'a que des trucs bons pour ton corps, oh yeah. J'ai trop des huiles essentielles pour me soigner. Et un large choix de tisane et de thé. Mais ma zimane sur la route, y'a trop de pièges à éviter. On dirait que la nature cherche à. Deuxième fois qui est vraiment cool. Titre le temps de Jah, Koba. Sur la ferme où on a mis les grosses caisses. Ici, on va énerver un peu plus les charlets. Enfin, partout, on va foutre comme ça là. Partout. Partout, je te dis. Un truc comme ça, j'aimerais le faire. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Je sais pas. Euh... on va faire aller un peu plus vite en faisant ça. Il est trop rapide. Ici, je pense. Oh Babylone, Babylone. Ouais, un truc comme ça. Tu vois ou pas? Gris Turner, une croche sur deux, man. Bah comme ça, ça marche, non? Fini, c'est vrai que c'est fini. Peut-être que le... celui-là, là... Alors je sais que c'est fini, hein, mais juste améliorer ça, parce que ça va être cool si jamais j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. Ouais, comme ça, ça va être cool, ça. Hop. Parfois, faut prendre un peu plus de temps pour faire les choses bien. Voilà. Comme ça, là. Là, comme ça, ça fait un peu... C'est très, très carré, mais quand on a le tout... Tout, hein. C'est presque imperceptible, mais t'as quand même le petit qui fout un peu de patate. Et j'aime la patate. Hop, je vais mettre la même chose ici. Et après, j'arrête, promis. J'entends pas. Tu entends pas? Écoute, là, c'est assez subtil, hein, mais. Là, ça fait là, ça fait vraiment. C'est hyper subtil. Faut vraiment avoir envie de l'entendre. Mais bah, en fait, c'est tout le truc de la musique, c'est que on n'entend jamais rien. Pourtant, c'est là et quelque part, on l'entend quand même. Tu vois ce que je veux dire? On l'entend sans l'entendre, quoi. Allez, parfait. Et donc, on a un titre, je crois. Seb, qu'est-ce que tu avais dit comme titre? Hop, c'est le live. Non, mais je vais regarder comme ça. Je vais faire le titre quand je vais exporter. Pour l'instant, il n'est pas nécessaire. Le temple de Jah. Voilà, quand je vais exporter, je vais mettre le temple de Jah. Messieurs, dames. Voilà, c'est fini. C'est fini. Est-ce que j'ai un peu de musique qui tourne, moi, là? Je pense pas. On va se mettre un petit peu de musique pour débriefer. Un peu tout le bousin, comme dirait l'autre. Allez. Ah, et, sans Spotify, sans déconner, c'est la galère, quand même. Hein. Allez, hop, on va ça. Très bien. Congrats, merci. Mais merci à toi. T'as apporté plein de bonnes idées. Seb. Donc, congrats à toi. Alors, les accords, comme ça, les accords Fa sol la mineur et la mineur, on les a utilisés pendant tous les couplets, donc c'est bon. Tempo rapide, mais pour du reggae, c'est quand même assez rapide. D'ailleurs, les titres de Badum 48 de cette année, tu vas les diffuser à ta poste de stream. Non, je pense pas, parce que je veux à la poste, je poste des clips. Donc il me faut un visuel qui bouge, tout ça, c'est quand même moins chiant. Je me demandais à un moment donné si j'allais pas mettre juste des chansons, mais je préfère quand même mettre des clips histoire qu'il se passe vraiment quelque chose. Mais je vous rappelle que mercredi matin, à la place de ça là, à la place de Badum 03, on va s'écouter tous les morceaux. On va s'écouter tous les morceaux de Badum 48. Donc pour ceux et celles qui débarqueraient, Badum 48, c'est le défi qu'on propose avec Radio No Culture. Une fois par an, on propose à des groupes de se former, de s'inscrire, et on leur donne un thème, et elles ont 48 heures pour composer un truc. Et donc, il y a certains sur le chat là qui ont composé un morceau. Merci pour le stream, je souhaite à toutes et à tous une bonne journée. À mercredi, très bien, à mercredi, Daisuke, merci beaucoup d'être passé. Bonne journée et à mercredi. Et donc mercredi, on va s'écouter tous ces morceaux. Il y en a 10 pour l'instant, au moins que j'en ai reçu pendant le stream. Parce que parfois, il y a des problèmes de connexion. Parfois, il y a des trucs, c'est un peu en retard. C'est pas très grave en vrai. Je rappelle que c'est un défi et pas un concours. Hein, donc, il n'y a aucun gagnant. Du coup, il n'y a aucun perdant. C'est juste une histoire de s'amuser entre amis tout un week-end. Donc, mercredi matin, on va s'écouter tous ces morceaux. Ça va me faire une pause de stream aussi. Une pause de compo plutôt. Et voilà. Et du coup, on disait quoi, technique, tempo rapide, pour moi c'est bon. Pour du gris, c'est rapide. C'est, ça part presque sur de la dub à la fin. Et en route pour la Biocop, ben, on est bien dedans. On est bien dedans. Voilà, rien d'autre. Ah oui, ben donc 48, j'ai participé aussi ça, samedi. Mais comme c'est moi qui donne le thème, je me suis rajouté des contraintes d'accord et tout. Mais j'ai fait un morceau qui n'est pas dans la liste officielle parce que c'était triché. Mais du coup voilà. Du coup, il est sur comme toutes les autres chansons qu'on compose ici sur la playlist, enfin sur Ilargi, sur Spotify, sur YouTube, partout. Je compte reprendre le mix de notre titre pour Badoum, en faire une version ultime et essayer de monter un clip pour le diffuser sur YouTube. Si les collègues sont d'accord, tu pourrais le diffuser sur tes propres streams. Tu pourrais, mais il y a du boulot. Hein. Je te cache pas que je l'ai écouté, c'est super cool quand tu t'heures, mais il y a du boulot. En vrai, si tu voulais faire ça méga proprement, faudrait reprendre les voix et tout. Pour que ce soit bien calé, parce qu'il y a des micro décalages de voix sur le rythmique et tout ça, c'est pas parfaitement juste. En vrai, dans l'idéal, ça serait, il faudrait pas reprendre les mix, il faudrait réenregistrer tout calmement, tout ça. Mais la difficulté quand t'enregistres dans l'urgence comme ça, c'est pas tant de trouver des trucs à faire, c'est de les faire bien quoi. Que quand tu composes un truc, tu le reprends 2 semaines après, mais tu l'as en tête, ça fait 2 semaines que tu travailles un peu dans ta tête, et du coup ça sort vachement mieux, même à la voix c'est vachement plus juste et tout. Que là c'est hyper dur d'inventer une mélodie, de la sortir juste, alors qu'on est en train de douter de merde c'est quoi après, est-ce qu'on tente des trucs parce que la voix grave finalement elle passe pas, donc on tente autre chose, et c'est ça la difficulté de faire tout ça en 48 heures en vrai. Donc voilà, mais après, ça te va, reprends un peu le truc. Dehors des photos et des vidéos de week-end, tu fais un petit clip. Et à l'occasion, je diffuserai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Oui. Allez. Moi, je vais vous quitter sur ça. Comme d'habitude, rediffusion sur Spotify et sur YouTube. Les morceaux arrivent dans l'après-midi sur YouTube et dans les jours à venir sur les plateformes de streaming audio de chansons, de musique, et voilà, moi je vous dis à mercredi pour écouter les chansons de Badoum 48 du week-end, une petite dizaine, ça va être cool. Voilà, mercredi 10h, et comme d'habitude je vous laisse avec le morceau du jour. Voilà, merci beaucoup, salut. Essentiel pour me soigner et un lac.